te jure, en Corée, il y a eu les 20 et 21 juillet les compétitions de natation des fonctionnaires des comités, ministères et établissements centraux dans la piscine du centre de bain public Changwon à Pyongyang. Les meilleurs ont reçu les citations et les médailles.